assez longtemps maintenant, ce concept de périphérique. Donc on comprend bien le lien qu'il y a avec le périphérique parisien, bien sûr, mais aussi avec la périphérie des choses, puisqu'on est là dans des projets artistiques qui sont à la périphérie des genres. Et c'est pourquoi on a sous-titré aussi un festival des arts mêlés. Et donc on a là l'occasion de rencontrer un certain nombre d'œuvres qui sont difficilement classables, mais qui sont souvent assez originales et assez intéressantes à rencontrer. Voire même audacieuses pour un certain nombre d'entre elles. Oui, on ne répugne pas, en effet, à aller chercher certaines audaces, puisque c'est aussi l'objet artistique qui a ça pour ambition aussi, c'est-à-dire de susciter l'interrogation, le désir, mais aussi de tenter quelques audaces qui dépassent les chemins largement explorés de manière traditionnelle par les gens de théâtre, qui montent des spectacles dans des genres si variés que la danse ou le théâtre. Là, on est à des croisements, à des provocations aussi, à des explorations qui peuvent être assez inattendues, en effet, oui. Je pense aussi à l'idée de renouveler les esthétiques du spectacle vivant. Oui, alors je ne connais pas d'artistes qui se disent « tiens, je vais renouveler les esthétiques », mais il se trouve qu'en réalité, en explorant des formes nouvelles, en voulant traduire certains états, certains tempéraments, on aurait dit à l'époque baroque, en voulant traduire certains sentiments, ou certaines réalités, eh bien, les artistes sont amenés finalement à inventer des modes opératoires, des formes, des raccourcis, des développements qui font que finalement ça devient en effet des formes nouvelles et sans que ce soit, sans que ça ait été le projet initial de l'artiste, mais c'est le résultat en tout cas. Et en effet, nous sommes à la croisée d'exploration, de recherche qui concerne aussi bien les contenus que les formes que l'on rencontre sur le plateau de théâtre. Parmi les spectacles à découvrir cette année, c'est ceux qui seront donc dans le cadre de ce Périphérie Festival des Arts Mêlés, 12e édition, à l'affiche, à l'apostrophe, Vader, proposé par une compagnie belge, Peeping Tom, qui nous annonce d'avance une fantaisie complètement déjantée. Oui, c'est une fantaisie déjantée, mais qui s'appuie sur une réalité qui est une réalité de toutes les époques, qui est celle de la vieillesse, puisque en fait, il s'agit, Vader, c'est le père, en allemand et en flamand, et donc cette compagnie, qui est la compagnie Peeping Tom, qui veut dire le voyeur, hein, dont le sens est le voyeur, et bien cette compagnie s'intéresse à des sujets de société, et la vieillesse est un des sujets de société, et notamment la vieillesse dans des établissements, des maisons de retraite, dans des accueils de personnes en fin de vie. Et donc là, c'est avec un regard tout à fait tendre et justement périphérique et totalement décalé que la compagnie porte son énergie, avec une relation qui est une relation au fils qui vient voir le père dans cet univers, et où on a une série d'atmosphères qui peuvent être perçus quelquefois comme des clichés, mais qui sont surtout des décors dans lesquels évolue un personnage un petit peu fou qui fait penser à une espèce de clown de fin de sa vie, et qui redonne une autre image de ce que peut être la vieillesse, y compris dans ces endroits qui font souvent peur dès que l'âge approche. Je parlais de fantaisie parce que c'est à la fois grinçant, fou, cruel, mais c'est également, si avant tout, profond et tendre et doux, à découvrir effectivement les 14 et 15 janvier à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise, Vader par la compagnie Peeping Tom. Les Palmiers Sauvages, c'est un autre spectacle à découvrir cette fois-ci au Théâtre des Arts à Cergy-Centre, les 27 et 28 janvier. Les Palmiers Sauvages, sur un récit de William Faulkner, sur une mise en scène de Séverine Chevrier. Je crois avoir lu que c'est en musicienne que Séverine Chevrier aborde ce récit de Faulkner. On est au cœur de l'âme humaine. Oui, on est au cœur de l'âme humaine, donc Faulkner est un grand auteur qu'on ne présente plus et qui a écrit dans cette pièce la fuite en avant. C'est une espèce de grande fuite, pourrait-on dire, de deux personnages qui sont épris éperdument amoureux l'un de l'autre, mais qui vont se prendre, se déprendre, se fuir, mais toujours être attirés par l'autre, dans une espèce de mouvement qui va les porter à un degré d'incandescence très très très élevé. Et en effet, Séverine Chabrier, qui a mis en scène et conçu ce spectacle, l'a imaginé comme elle fait elle aussi de la musique contemporaine, puisque c'est une pianiste et compositrice, et qu'elle a un rapport à la musique qui est de cet ordre, c'est-à-dire qui peut être totalement fragmenté, séquencé, violent, et en même temps tomber la seconde d'après dans un univers tout à fait calme, doux, serein, et où la mélancolie est à l'ordre du jour. Donc il y a dans ce spectacle d'une très grande force et d'une très grande beauté, beaucoup d'espoir pour l'âme humaine, pour chacun d'entre nous qui connaît ou a connu la passion amoureuse, et puis ses déceptions, et en même temps le renouveau du désir et de la passion. Donc on est totalement dans cet univers que la partition, qui est à la partition textuelle, est traitée en effet comme une partition musicale avec beaucoup de vivacité. Ça parle au cœur de chacun et de chacune, assurément. Les Palmiers Sauvages, à découvrir les 27 et 28 janvier à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy-Centre. On ne reviendra pas sur les danseurs ont apprécié la qualité du parquet, puisque nous avons pu nous entretenir au cours de cette émission avec Jean-Christophe Meurice du collectif Les Chiens de Navarre. Poursuivons, autre spectacle à découvrir à l'occasion de Périphérique, Festival des Arts Mêlés, 12e édition, La Mélancolie des Dragons de Philippe Ken par le Vivarium Studio. C'est à l'affiche le 12 février prochain au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Là, je crois, au départ, on est à contre-courant des conventions théâtrales. On se retrouve avec une drôle de bande d'acteurs musiciens, ce vieux rocker aux cheveux longs, un peu foutraque, qui se retrouve dans une curieuse situation. Et un chien, oui. Et un chien. La situation, c'est la panne d'automobile. Donc, il y a de la neige, c'est en hiver. Ils sont là, ils sortent, ils rentrent dans la voiture, il fait froid, etc. Il se passe rien, il se passe des tas de choses. Et donc, ce spectacle, si je parle du chien, c'est parce qu'il a vraiment un rôle important dans l'affaire. Et donc, ce spectacle est l'exposé de la banalité des jours, l'exposé aussi de la vacuité du temps qui passe, et dans cette vacuité, toute une série de mini-indices, de mini-événements qui sont ou qui paraissent dérisoires, mais qui sont ceux de notre vie quotidienne, lorsqu'on en regarde avec suffisamment de détachement, et on se rend compte qu'il y a finalement autant d'activités microscopiques dans de tels développements qu'un spectacle dans lequel on aurait un développement d'activités et d'énergie, que sais-je. Là, on est véritablement dans le micro, hein, le micro, le petit, mais le petit qui, regardé à la loupe, est un moment absolument passionnant, puisque on se demande toujours qu'est-ce qu'il va arriver. Il va se passer quelque chose, il se passe de petites choses, et on se rend compte que la petite chose, dans la mémoire que l'on a du début du spectacle, du temps d'avant, eh bien, est une chose qui a une véritable épaisseur et nous renvoie quand même à l'activité du temps, je veux dire, à cette espèce d'hypertrophie du mouvement. Le contrepoint, c'est que finalement, dans les petites choses comme ça qui se déroulent sur le plateau, Philippe Ken, le metteur en scène et directeur des Amandiers de Nanterre, qui était scénographe à la base, c'est véritablement nous transmettre le sens aussi de la construction d'un univers poétique sur le plateau de théâtre. On est presque dans l'esprit du théâtre de Beckett. Oui, Beckett, ça fait penser à quelque chose comme Beckett entre Beckett et Jacques Tati, c'est-à-dire il se passe rien, il se passe énormément de choses, et c'est le quotidien qui est exalté, mais sans que qu'on le fasse comme on le fait sur les scènes de musicaux, n'est-ce pas, avec des tas de projecteurs, avec forces effets musicaux et autres. Non, là, c'est plutôt l'exaltation de la lenteur, de la simplicité et, j'allais dire, presque de l'authenticité de la relation. La mélancolie des dragons de Philippe Ken à découvrir sur scène à l'Apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise le 12 février prochain. Dernier spectacle qui lui sera accueilli par l'Apostrophe dans le cadre de ce périphérique Festival des Arts Mêlés 12e édition, c'est le Starring Girl, la fille qui fixait par la Zonzo Compagnie, à découvrir sur scène à l'Apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre du 18 au 20 février. Et c'est un spectacle que l'on peut voir à partir de 8 ans, des créatures oniriques directement inspirées des personnages de Tim Burton. Oui, c'est ça, c'est véritablement la volonté qu'a cette équipe qui s'appelle la Zonzo Compagnie de vouloir traduire sur le plateau de théâtre cet univers qui est l'univers cinématographique de Tim Burton, qui est tout à fait réussi en cela que il y a une transcription musicale, puisqu'il y a une musique, ce sont des instrumentistes et des musiciens qui jouent une partition qui est étayée par toute une série d'univers oniriques, des images qui viennent effectivement, qui sont conçues pour parler aux plus jeunes. Et c'est, je trouve que cette référence à Tim Burton, ce point de départ du travail de création est tout à fait réussi. Il y a peu d'expérience dans ce domaine, et il y a peu d'expérience aussi convaincante avec la présence de la musique et des images, et qui ne soit pas ni du cinéma, ni de la vidéo. C'est quelque chose vraiment tout à fait original, sur un plateau de théâtre, avec des vrais personnages bien vivants, qui nous font entrer dans une part de magie, de fiction et d'irréel qui est bien plaisante, à tous les âges d'ailleurs. Et le tout avec beaucoup de poésie. Starring Girl, la fille qui fixait par la Zonzo Compagnie, du 18 au 20 février à l'Apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. Merci Jean-Joël Le Chaplin. C'est une nouvelle année qui s'annonce avec toujours du spectacle plus vivant que jamais. Oui, malgré les difficultés qui entourent notre quotidien, mais pas seulement dans le domaine du spectacle, l'ensemble de la société, mais ce vivant taraude les individus et les artistes aussi. Alors le propre d'un théâtre public, c'est de rendre compte de la réalité des divers univers. Aussi bien on peut ne pas oublier les aspects tragiques de notre existence, dont les artistes font largement l'écho, mais aussi des aspects tout à fait poétiques et joyeux. Il y en a quand même, il n'y a aucune raison de les renier, de les refuser. Et donc la saison essaye de retracer l'ensemble de cette diversité. Merci, à très bientôt sur les ondes de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM en direct de Cergy Pontoise. Merci Jean-Joël Le Chaplin. Merci beaucoup José. L'Apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Nous arrivons à la conclusion de cette émission. Pour toute information et pour toute réservation concernant les spectacles qui vous ont été présentés à l'occasion donc de cette émission, et pour découvrir la programmation complète d'une saison qui est déjà bien engagée à l'Apostrophe, il faut composer pour cela le 01 34 20 14 14 deux fois, ou sur le site internet très détaillé, très précis, sur le www.l'apostrophe.net. Remerciements à tous nos invités, ainsi qu'à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission, et à Damien Gissa qui l'a réalisée sur le plan technique. Cette émission, animée par votre serviteur et animateur José Guérin, sera rediffusée samedi 16 janvier de 9h à 10h du matin, matin sur RGB, sur le 99.2 FM, ainsi que sur Internet au www.radio-rgb.net, puis disponible ensuite en podcast sur cette même adresse. Pour le prochain numéro de l'apostrophe l'émission, je vous donne rendez-vous sur RGB le mercredi 10 février de 19 à 20 heures. D'ici là, au plaisir de vous rencontrer, de vous croiser, de vous retrouver à l'apostrophe, à Cergy Pontoise ou bien sur votre antenne de radio locale sur le 99.2 FM, c'est sur RGB. Je vous dis à bientôt. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.